Non, on n'aurait pas le droit. Fais un placement de micro parce que je pense que c'est une réglée. C'est la dernière blague de Victor. C'est bon, Kawan, tu prends le relais. Non, c'est bon, je reste. Mais de toute façon, c'est l'heure de Steph, non? Ah! Oh, bah, moi, je veux bien rester. Bon, bah, il y aura deux savoureux. Si les gens veulent que je reste, bah, moi, je, veulent moi, bien je, de moi, moi encore. Moi, je m'impose. Tu veux que je parte? Non, mais moi, je m'impose. Oh, oui, oui. Tu peux rester. Mais je serai là pour donner un coup de boost. Ah, mais on parle entre nous, mais parlons avec les gens. Bonjour! Bon, c'est comme. T'as failli foutre une main au cul à Steph, c'était magnifique. C'était pas très Mademoiselle Plon comme si tu voulais faire, Kevin. De quoi? T'as failli mettre une main au cul à Steph. Oh, pardon, Steph! Je mets en rouge. Et du coup. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous êtes en train de niquer mon lit, mais c'est pas grave. Oui, vous parliez, vous avez parlé, du coup, quand je vous ai interrompu, désolé encore, hein, dans votre heure demoiselle, entre demoiselles, mais vous avez parlé d'un Tumblr, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et je vous ai donné le Tumblr Paytashneck. Donc, je rappelle ce que c'est, Paytashneck, c'est un Tumblr qui regroupe toutes les phrases de connards qui interpellent les filles dans la rue, comme ça, pour rien. Pour dire des choses indécentes, comme ça. Voilà, et donc Paytashneck, c'est très bien. Et j'avais aussi le Facebook. Aujourd'hui, je porte une jupe, oui, la qui page. Qui est très cool. Qui est super cool. Depuis, j'ai liké. Par raison. Merci l'invité mystère. Pierre vient de démontrer ce qu'est une pierrade. C'est, alors vous voyez Victor avec son peu de compréhension. Pierrade. Oh merci, on ne cite pas de marque. Voilà, c'était la nuit. J'ai envie de faire un blanc de 6 minutes. Là. Un hommage. Ah non, non, en déception totale. Bon. Personne n'a compris. Ah, nous, ça fait déjà mal. Qui nous écoute hein, d'ailleurs? Qui ça? Nos amis. Nos amours, nos mamans, nos emmerdes. Je vous parle d'un genre que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon maître, ce temps-là, abrité celui-là jusque sous nos fenêtres. Et j'ai l'humble garni qui servait de. Moi, je fais des imitations, hein, tant que vous n'y arrivez pas. Attention, je vais essayer de chier, devinez le prochain. Ouais. Oh putain, c'est de la musique! C'est vraiment merde. Trop fou. Ah, c'est oh la vache, ça c'est rock, ah. Ça c'est rock les gars. La putain, on remet du son, on remet du son. Putain, je l'ai aussi platines. Sur le bout de la langue. J'ai le visuel aussi. Ah, putain, j'ai allez. Putain les gars. Vous bon, est-ce que la doit attarder peut arrêter et on peut. Philippe Manœuvre. C'est bon, vous êtes prêts? Est-ce que le livreur de Domino's Pizza peut arrêter et on peut commencer cette heure ou pas? Je fais ouais, boing, c'est un peu c'est l'heure de Stéphanie. Oui, allez, c'est l'heure que j'attendais depuis le début. Ouais, moi aussi. Oh, cette heure-là. C'est pour bienvenue ça que je suis là. Au Stéphanie Time. Allez, on ramène tout à ma gueule, ça va être cool. Stéphanie ouais. Time, que tout le monde réplique. Oh oui. Toi, je t'aime bien. Je propose garde. Que Clara fasse les génériques, les jingles les à jingles. La bouche. Voilà. Tout à capella. Stéphanie Time. Que tout le monde réplique. Que tout le monde réplique. On va aller vers un pays magique. Stéphanie, elle a des et cheveux, ses amis. Même qui sont ouverts, Stéphanie Time. Donc voilà, quand ce projet de... Oh la misère. Au moins, moi, j'ai un générique et une émission, voilà. Attention, je viens de recevoir un message, nous avons deux compatriotes de la Sarthe qui nous écoutent. Oh, je tenais à remercier Jordan coucou et Théo. Coucou les copains. La Loire en force. La Sarthe, ramène-nous des rillettes, mon coco. J'ai envie de, pardon, excusez-moi, de lancer l'appel. Qui que c'est-il qu'on appelle? C'est l'empereur. C'est l'empereur. L'empereur. Merci l'empereur. donc on va parler. À qui c'est-il qu'on dit merci? Merci l'empereur. Merci l'empereur. Je me sens comme dans un AMV. Il y a un montage dégueulasse. Mais non. Aurais-tu dû mettre My Immortal? On aurait pu tous chanter tous ensemble. A nous quoi? You cry. Oh, c'est n'importe quoi. Stéphanie, ça va être quoi ton heure? Alors, on m'a parlé du coup de cette nuit savoureuse. Non, nuit anonyme. Oui, nuit mais qui est quand même très savoureuse. De gens très savoureux. Et on m'a on dit, paye la case. Steph, on te réserve une heure, vas-y, parle-nous de la chose la plus importante de ta vie, tes cheveux. C'est pas vrai, c'est pas la chose la plus importante de mes cheveux. Je te remercie pour de ta vie, de ta vie, parce que tes cheveux, c'est sûrement la plus grosse importance de tes cheveux. Putain, je mélange mes mots, c'est horrible. C'est terrible. C'est voilà. Du coup, voilà, je voulais vous parler de mon histoire parce que voilà, avec mes cheveux, on a décidé de changer. Ils sont verts. c'est pas un défaut de la cam, ils sont verts. Mais là, ils sont pas verts. Donc, il y a un dégradé qui est vraiment intéressant. Quand je regarde ça, je plisse les yeux, je tourne la tête, je vois Maubeuge sous la neige. Voilà. Je peux très bien me confondre avec le micro de mon cher Kawan, ce qui est très pratique en termes de camouflage. Mais où suis-je? Oh, Stéphanie, tu as disparu derrière une forêt. Je suis un micro. Je suis une bolette de micro. Bien joué, Roman. C'est super. Merci. Bientôt, je serai une bouteille à Heineken. Et donc voilà, parce que je sais pas pourquoi vous avez décidé que ce serait intéressant que je parle de mes cheveux alors qu'ils sont juste verts et que justement j'aimerais bien banaliser ce vert pour éviter de me faire regarder bizarrement dans le métro à nouveau et d'avoir ces petits enfants qui me regardent et qui regardent leur maman en disant « T'as vu maman? Elle a les cheveux de couleur bizarre, ils sont verts !» Et la mère derrière, toute gênée, qui fait « Chut, arrête !» Du coup, qui approuve parfois. Hein, c'est vachement intéressant. C'est trop bien. Non mais du coup, non, mais ce qui est drôle, mais... donc voilà, ça fait depuis fin juillet que j'ai les cheveux verts. Donc j'ai la flemme de compter quelques mois. Et c'était très difficile à accepter dans la mesure où je les voulais vraiment verts. C'est pas un défaut. Je voulais vraiment du vert pour énormément de raisons. Mais c'était difficile à assumer parce que pas tout le monde a les cheveux verts. Et du coup, bah forcément, il y a le regard des gens qui arrivent et là, ça commence à devenir drôle. Donc au début, je sortais jamais les cheveux détachés parce que j'ai une masse de cheveux assez énorme. De plus, ils ont été décolorés, du coup, c'est encore plus dégueulasse qu'avant. Et ils sont du coup très très verts et ça a été très difficile de sortir avec les cheveux détachés. Mais maintenant, c'est bon, je m'en fous. Parce que je me suis habituée au regard des gens, aux gens qui me pointent du doigt, qui ont un regard... Ouais. Les cheveux verts. Ouais. T'as les cheveux, c'est de la weed. Ouais, on l'a déjà sorti. Merci, Kawan. Une fois, j'étais avec Mathias, on traversait devant le lycée et je sais plus quelle réflexion je me suis pris en pleine tête. Je sais pas, que je ressemble au Grinch. Ouais, c'est ça, c'est le Grinch. Alors, du coup, je lui ai dit que je lui volerais ses cadeaux à Noël. Genre, sympa. Super cool. Sauf qu'il connaissait pas le Grinch au fait parce qu'elle lui a répondu et du coup, il a pas compris. Oh, merde. Du coup, voilà. Il cite des références, il connaît quand pas. C'est un peu insavoureux au fait. Il fait ses jugements sur des bandes annonces. C'est génial. C'est trop bien. Et du coup, ben voilà, on s'y habitue. Du coup, ça rend la vie drôle de voir les réactions des gens et de constater qu'il y a des gens qui ont quand même assez de cran pour venir me voir et me dire ce qu'ils en pensent. Ils aiment ou ils aiment pas. Même les gens du coup qui aiment, ils viennent me voir et me font. Vous avez du courage pour le faire, ça vous va bien. Bon ben, merci. On va pas souvent voir les gens pour leur dire écoute, ta coupe de cheveux. C'est fou parce qu'on a plein de discours, de beaux discours. Hein, je dirais absolument rien contre. Hein, mais sur des grands combats, donc qui sont le féminisme, le racisme, etc. Et on oublie qu'il y a aussi des petits combats, mais qui comptent. Parce que des gens qui juste parce qu'ils sont différents, ils gênent personne, ils demandent rien aux autres. Et qui sont stigmatisés comme ça, qui peuvent leur sentir mal. Donc mais c'est ils n'ont qu'à pas être différents, c'est tout. Mathias, c'est toi. Bien différent, tu vois, Mathias, alors c'est bon. C'est une voie entre l'acceptation et, je vais dire un grand mot, mais la dépression. Mais c'est parce que je ne trouve pas mes mots présentement. Mais soit on accepte cette chose-là, notre différence, et ce qui peut porter préjudice, soit et ça nous fait, on est bouffé par ça. Et oui, il y a des grands débats, mais les petits aussi débats cumulés, bah, ça peut mener à des gros problèmes. Donc vraiment, c'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai eu un flash tout à l'heure et que je me dis, parce qu'au début, je dis, on va parler coloration de cheveux, ça va être marrant. Mais non, il y a des vrais combats comme ça. Il y a tout un débat là-dessus. J'ai pas juste fait mes cheveux verts pour dire, hey, j'ai les cheveux verts. J'ai pas fait ça pour attirer le regard des gens. J'avais fait parce que j'avais envie de changer de tête, parce que j'aimais le vert, et parce que pour moi, c'est une couleur qui veut dire énormément de choses. C'est une symbolique qui a évolué dans le temps, qui, selon selon la culture, selon les lieux, selon l'époque, a une interprétation complètement différente. Et. C'est une couleur, certes, qui tape à l'œil et qui, du coup, me plaît. Et j'ai énormément réfléchi avant de, vouloir, avant de faire ce verre. Ça faisait énormément de temps que je me penchais sur la question. Je confirme. J'étais là dans ces moments de doute. Voilà. Et ça faisait longtemps qu'elle en parlait et qu'elle disait qu'elle voulait le faire. Ça a été du coup un énorme pas en avant de le faire. Du coup, si vous avez envie de vous teindre les cheveux en n'importe quelle couleur, faites-le si ça vous plaît. Hein. Alors moi, j'ai pas eu cette chance-là. N'ayez pas peur. Bah, pas on parlera de ton expérience et tout. Parce que franchement, ton expérience, mais je suis tellement déçue pour toi. Elle en parlera après. Et voilà, donc comme tu disais, c'est un petit combat qui devrait être. Comment dire ? C'est un combat tellement simple à réaliser que c'est pour ça que c'est un petit combat. C'est parce que il suffirait de rien, il suffirait de presque rien, peut-être quelques années de moins, pour que je te dise je t'aime. Là, j'ai pas sur Céline Dion, moi. Si, c'est improbable ce qui se passe parce que vous chantez et tout, vous parlez de cheveux verts, etc. Et derrière, il y a Zombie des Cranberries qui est en train de passer. Et du coup, dans ma tête, j'étais là en train de m'imaginer la chanson, c'est terrible. C'est donc, génial. Est-ce que l'empereur Palpatox il peut virer le son derrière? Non, il le laisse. Bah, c'est un peu pénible parce que moi je suis concentré. Oh là, monsieur, c'était relou. Mais je. C'est dingue. T'as de la chance que je me contienne parce qu'on soit en direct. Non, il frappe les femmes, bravo, belle mentalité. C'est pas très mademoiselle tout ça. Non, mais il dit ça, il aboie Mathias, mais qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il meurt pas. Excuse-moi, moi j'ai pas besoin de me teindre des cheveux pour avoir confiance en moi. Et c'est quoi ça, Mathias? C'est un pantalon rouge. Ça s'appelle un pantalon rouge. Alors pourquoi Mathias a un pantalon rouge ce soir? Parce que je veux qu'on me remarque à la nuit anonyme, dit-il depuis hier. Team Mathias, on n'oublie pas la Team Mathias. Merci. La Team Mathias, la baleine. Bon, ça va. Tu vas rappeler tous les gens de Bordeaux. Super, il a des amis. J'ai montré une petite photo de toi d'ailleurs tout à l'heure. Oui. Ah oui. On l'a vu. Est-ce qu'on peut expliquer le bail de Mathias? Oui, on peut expliquer. Le cul penchant. On dirait une histoire pour enfants. Eh, dis donc, cul penchant, où c'est qu'elle est la montagne magique? Oh, bah, je sais pas. Cul penchant s'en alla donc dans son épopée. Oh, bah là, la montagne magique. Il s'en alla, cul penché, cul dandinant, jusqu'à son premier. Taratata, le chameau de Maggie. Si tu devines les paroles, tu pourras continuer ton chemin. Qui a la voix de Père Fouras. Merci. Les cheveux. Donc, le combat ordinaire. Chanson on des Fatal Picard. On reprend sur le sujet des cheveux. J'aimerais du coup que tu nous parles de ton expérience, Clara. D'expérience des cheveux. Ton expérience capillaire. Il fut un temps rose, au swing. J'adorais ses cheveux roses. Mais moi c'était aussi, beau. En vrai. Mais pourquoi tu les as pas gardés? Alors, bah justement, il y a ce problème récurrent du regard des autres. Avec une formule un petit peu idiote, mais c'est vrai que comme disait Kawan, on oublie les petits combats contre ce manque de confiance qu'il y a en certaines personnes, enfin contre, pour en fait, je me perds dans mes mots. Et moi en fait j'ai pas eu la patience de me dire je vais me foutre de ce que les gens pensent et ne plus écouter ce qu'on me dit dans le métro à chaque fois quand je passe. Mais mon Dieu, elle devrait mourir. Mais mon Dieu, pourquoi elle fait ça? N'écoute pas ce que les gens disent, comme dirait Maître Gims. Alors, en parlant de n'écoutez pas ce que les gens disent, je viens d'avoir une nouvelle personne. Je cite, c'est Jordan. Il m'envoie un message. Nous, on fait partie de la team Mathias, hashtag pantalon rouge. Yeah. Oh là là. Hashtag cul penchant. Hashtag. On vous rappelle que le hashtag nuit anonyme est censé être en trending topic. Dans 3 heures, moins de 3 heures. Et c'est tombé. Mais donc du coup, pour terminer sur les cheveux colorés, il faut savoir que quand on fait une coloration, c'est très dur de la tenir en place. Au revoir Rémi. Alors Rémi est en train de partir, donc du coup on lui dit tous au revoir. Rendez-vous à 10h. Rémi arrive à 10h demain matin pour faire des hypnoses. Magic Rémi time. Soyez tous présents. Et nous, on sera pas du tout dans le même état. Nous, on sera. Je pense qu'on sera déjà hypnotisés par la night. Du coup, ça va être un sur-hypnotisation. Ça va être dément. Je vous conseille de tous et toutes être présents. Merci. À ciao. Nos 7 viewers. Et comme dirait Nagui, ciao, ciao, ciao. Tintin. Attention. Bon, Les cheveux colorés, revenons. Vas-y, Clara. La problématique était la suivante, quand on a les cheveux... Allez. Bravo l'empereur, bonne idée. L'empereur est parti, on change de réa, maintenant c'est Kawan qui passe à la réa de l'émission. Et l'empereur est parti se coucher. On lui souhaite un bon dodo. Et du coup, tu t'es fait couleur rince-cochon. Couleur rince-cochon, mais je suis passée par là, ouais. Puis par là, puis par là. Non, mais c'est vrai. On a tout ton dégratté capillaire sur une rince-cochon, une canette de rince-cochon, c'est quand même formidable. C'est la folie dans les stadiums. Non, mais le pire, enfin... Je répète la phrase depuis 10 minutes, mais Stéphanie et même Lina pourront témoigner. Quand tu fais une coloration et que tu te décolores à blanc, c'est très dur de garder la même coloration sur tes cheveux depuis du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que moi, j'avais commencé à avoir les cheveux roses, donc d'un beau rose crevette malade, mais il était beau. Et il a commencé à virer en des reflets bleus, des reflets verts, des reflets jaunes sur les mêmes cheveux. Du coup, ça faisait un peu sorcière dégueulasse. Et donc, je me faisais insulter dans la rue. Et donc, je n'ai pas eu la même patience que Stéphanie de me dire « c'est pas grave ». Non, mais... Alors, Kawan demande... De quoi tu t'es fait insulter? Ouais. Alors, pardon. Voulez-vous une anecdote? Alors, j'étais raconte donc une anecdote. Tranquillement une prendre le métro dans la belle ville de Tourcoing, n'est-ce pas? Et donc, il y avait des filles qui marchaient derrière moi, qui s'amusaient à parler très fort. Mais mon Dieu, mais quelle salope celle-là! Regardez ses cheveux, même une pute, elle ferait pas ça. Ça, c'est c'est pas très mademoiselle.com tout ça. Venons de mademoiselle en plus. Bravo Mathias. C'est la journée où je me suis le plus insultée dans le métro. Et quand je suis descendue, elles rejoignaient sûrement leurs petits potes qui m'ont vu. C'est petits potes. Les petits potes. C'est rigolo comme mot. qui m'ont vu traverser pour aller dans la rame du métro et qui m'ont dit putain, mais tu devrais. Excusez-moi. Purée, tu devrais t'enterrer tellement que tu es laide ou des choses comme ça. Et voilà. Et du coup, tu es allé te coucher et pleurer dans ta chambre. Je me sens hyper mal dans la mesure où tu as l'impression que j'ai eu la patience de vivre ça, alors qu'au fond, moi, les insultes que j'ai eues n'allaient pas au-delà. Enfin, c'est vrai, c'était pareil. Pas le niveau que toi, tu as eu. Ouais. Ou moi, je l'entendais pas. Jamais du coup, je me sens mal du fait que tu te dises « Ah ben, Steph, elle a réussi et pas moi. » Mais pas du tout. Ils étaient tellement durs avec toi, c'est vraiment dégueulasse. Je comprends pas comment des gens ils peuvent se permettre... Attends, 3 secondes, j'ai pas fini ma phrase. Attends. Vous avez vu Mathias agiter son bras? C'est la seule fois que vous la verrez de la soirée. Hein? Quoi? Arrêtez le mansplaining. Arrêtez le mansplaining, dit Mathias. C'est quoi le mansplaining, Kawan? Mais dis donc, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, dis donc, le mansplaining? Viens. Prends le micro. Continue à raconter ton histoire. C'est quand les hommes, fiers de leur gros chibre et aspect phallique masculin, se permettent d'expliquer tout aux femmes parce que pour eux, elles sont insignifiantes. C'est ça du mansplaining, c'est quand une femme est en train de parler et des mecs viennent prendre la parole parce que quand même une femme, faut pas trop la laisser parler. Est-ce que c'est pas un petit peu ce que tu es en train de faire? Oui, exactement, c'est pour ça. Allez, bim! C'est faux. Là, on lui a posé la question pour savoir ce que c'était. C'est exactement pour ça que j'ai... Enfin, tandis que toi, t'essayais de me couper la parole parce que comme tu n'as rien à dire sur ta vie, tu nous coupes la parole. Je suis vraiment désolée. Non, c'est exactement pour ça que j'ai été très triste quand j'ai appris qu'aucune de vous et aucun de vous ne savait exactement ce que c'était. Même moi, je ne sais pas si je l'explique clairement. Parce qu'en fait, ça fait que 2 jours que je l'ai appris. Non. Mais souvent, c'était une petite blague. Mais voilà, faut pas faire de mansplaining. Tout le monde a droit à son temps de parole. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas forcément parce que c'est des mecs, mais des fois, il y en a certains qui, un peu éméchés, veulent un peu tout ramener à eux. Merci. Mais est-ce que je peux refaire ma vanne? Et Clara, j'étais au bordel. Ouais, moi, je me sentais très, très mal. Est-ce que moi, je peux faire une blague, mais du coup, elle a plus être du tout drôle et je suis un peu deg. Dans ta gueule. Allez. Parce que moi, je la fais quand même, parce qu'on traitait de sorcière. Est-ce qu'on te courait après avec des fourches? Alors non. Non, mais allez, laissez moment les histoires. Le tape celui-là, mais c'est incroyable. Enfin, quand je remontais la grande rue pour rentrer du lycée à pied parce que j'aime marcher, eh bien il y avait des femmes qui me regardaient, voilà, du style mais qui d'où elle sort ou choses comme ça. En fait, c'était des regards qui étaient les plus pesants. Les insultes, au final, bah t'avais une petite larmichette comme ça qui coulait, puis au final tu laissais passer quoi. Mais voilà, mais je ne voulais pas vous voir comme oui, ça. Non, mais non, mais c'est horrible parce que tu dis qu'il y a des gens du coup qui se permettent de te juger alors qu'ils ne te connaissent pas, alors qu'au fond ils ne sont pas mieux. Enfin, chacun a ses petites expériences capillaires ou autres. Enfin, tout le monde a le droit de faire ses petites expériences. Ils sont personne pour. Le pire, c'est quand c'est dans ta propre famille. Encore, oui. Ouais, alors ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment horrible. J'ai pas eu vraiment d'insultes et tout, mais j'ai eu des jugements vraiment lourds. J'ai passé des soirées très très dures à gérer où j'ai pleuré assez longtemps parce que j'avais vraiment du mal à accepter tous les jugements qui étaient en train de tomber sur ma figure et où je pouvais pas me défendre parce que c'était des gens vraiment fermés d'esprit qui refusaient tout dialogue. Du coup, pour me ramasser la petite cuillère ce soir-là, c'était assez difficile. Mais il n'y avait pas vraiment de mots d'insultes, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais ça a été la même chose. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, donc du coup, j'ai fait comme Steph, la moitié de mes cheveux. Au départ, c'était parti sur un super beau violet qui a viré au rose, bien pétant, j'ai encore des photos. Puis ça a viré au orange. Et je me suis retrouvée comme ça à Paris avec ce orange flash que je détestais. Donc je suis allée chez le coiffeur et je dis bon, faites-moi un truc blanc, crème, voilà. Et même avec ça, quand je suis allée, donc moi j'ai la moitié de ma famille qui est au Maroc. Et quand je suis allée au Maroc, il s'avère que je suis arrivée et que j'ai pas osé détacher mes cheveux une seule fois. Pendant 3 semaines, je suis restée avec les cheveux attachés parce qu'il y avait le regard de ma famille, ma grand-mère. C'était vraiment... Je vois exactement ce que tu veux dire. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas... Limite, il reste respectueux, mais tu as toujours ce petit... Mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, quoi ? C'est encore ce regard plus dur de ta grand-mère, de ta famille, ouais. Quoi, qui disent, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais tu avais de si jolis cheveux, on dirait que maintenant, je suis moche, tu vois. C'est trop... Mais je vois exactement ce que tu veux dire et j'ai ressenti exactement la même chose. Perso, c'est pas ma famille, c'est pas vraiment ma famille qui me, qui me faisait ces regards si lourds. Bizarrement parlant, ma famille m'a accepté, bon, sauf mon grand-père, mais bon, il me disait rien. Mais je pense que ma famille m'a accepté tel que j'étais. Et puis comme j'étais partie depuis un an maintenant et, comme je suis et que je suis revenue au bout de cette longue année, je pense qu'ils s'en foutaient un peu de mes cheveux à ce moment-là. Ils étaient plus contents de me voir qu'autre chose. Mais j'ai eu des réflexions de la part des amis de la famille ou des gens, des gens, on va dire, annexes, qui, du coup, se permettaient de me sortir des réflexions du style... Ah ben ça, c'est l'influence manga, hein, c'est très japonais, c'est la mode. Hein. Oh, alors que, s'il te plaît, t'es pas dans ma tête, tu te calmes. D'accord, donc ta coupe de cheveux, je dois dire que c'est l'influence pute, c'est ça ? C'est l'influence c'est grand-mère, années 90, les mèches dégueulasses. C'est ça que tu veux que je te dise ? Donc toi, tu te calmes. Tu t'habilles comme tu veux parce que t'aimes ça. Tu teins les cheveux comme tu veux parce que t'aimes ça. T'es personne pour dire que c'est une influence manga ou une influence quoi que ce soit. J'ai teint mes cheveux en vert parce que j'aime le vert et que... J'ai voulu me teindre les cheveux, point. Mais si je peux recommencer une séquence émotion. Moi, perso, on est en plein dedans, là. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a fait changer de couleur de cheveux. Enfin, ça a été un peu la goutte d'eau. On a parlé des grand-mères, des amis de la famille, des gens qui ne sont pas forcément proches. On nous signale un problème technique. Le buzz a disparu. On essaie d'enlever le buzz. Et en fait, j'ai eu un déclic où je me suis dit, il ne faut pas que je continue à avoir cette couleur de cheveux comme ça, ce n'est pas possible sinon. Lorsque j'ai dû aller faire un dîner chez ma grand-mère, qui la première fois qu'elle m'avait vue avec des cheveux comme ça, elle m'avait dit clairement, parce que ma grand-mère a un très franc parler, tu es laide, tu ressembles à une sorcière, celle qui est sortie le mot sorcière, et tu devrais pas faire ça parce que franchement, ça te rend laide, quoi. Et c'est dur d'entendre ça de sa grand-mère, c'est pas, surtout quand t'as ton grand-père qui appuie à côté, enfin bref, c'est ça. C'était un peu dur, donc du coup. Je suis carrément pas allée à un dîner de famille parce que mes cheveux étaient devenus rose fuchsia et je savais que j'allais me prendre des réflexions plein la gueule pendant le repas. Du coup, je vais passer mon samedi à essayer de me refaire une coloration par-dessus. C'était vraiment n'importe quoi, c'est devenu pire que mieux. Du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Je voudrais pas faire du mansplaining. Vas-y. Mais est-ce que c'est pas parce que... c'est une modification corporelle. Est-ce que le tatouage ou le piercing, tu vois, c'est rentré dans les mœurs ? Non, pas du tout. On a eu le même débat avec les mêmes personnes qui m'a critiqué sur mes cheveux, le tatouage, je te jure. Attention, je cite. Oh, mais ça, c'est un truc de motard, de hippie. C'est vraiment une modification corporelle encore plus débile que les cheveux parce que tu gardes ça toute ta vie, ça te fait mal et puis ça vieillit mal. Je tiens à préciser que je suis en train de réfléchir. Enfin, ça fait maintenant 2 ans que je réfléchis sérieusement à un motif de tatouage sur lequel je planche énormément. Merci Judith d'attester ça. Parce que on se le fait toutes les deux cette année. Ouais. Et un tatouage qui veut vraiment dire quelque chose pour moi. C'est pas un motif au hasard, c'est vraiment quelque chose que j'aurais conçu moi-même avec mes idées et mes convictions et qui me rappellera pour le reste de ma vie, du coup, qui j'étais, qui je serai, qui je suis. Enfin voilà. Un motif qui me tient à cœur. Et du coup, ben, comme c'est une modification corporelle qui est permanente, je me suis renseignée. Enfin, je suis pas débile non plus. J'ai parlé à des tatoueurs, j'ai parlé à des gens tatoués, j'ai regardé des émissions de tatouage. Je me suis énormément documentée, j'ai regardé les motifs, j'ai tout, comment fonctionne, jusqu'à l'aspect scientifique, c'est-à-dire comment le tatouage rentre dans la peau, comment ça se fait qu'il reste, comment ça se fait qu'il s'en va un peu, pourquoi on doit faire des retouches, comment il s'enlève, tout ça. Enfin, je me suis renseignée, je me suis vraiment documentée là-dessus. J'ai regardé des tatouages qui ont plus ou moins bien vieilli, je sais quel genre de tatouage ne pas faire. J'ai recueilli énormément de... Enfin voilà, je me suis vraiment documentée, donc je peux me dire que je m'y connais à peu près. Et d'entendre ces gens qui n'y connaissent absolument rien et qui sont là juste pour juger en disant « Ah ben ça, c'est vraiment un truc de motard ! C'est vraiment une modification corporelle de merde !» Et ben j'aimerais dire à ces gens-là, écoutez, quand on ne sait pas parler de quelque chose, quand on ne sait pas quelque chose, on la ferme. On ne va pas juger les gens. Vous n'êtes personne et vous ne serez jamais à la hauteur de ma cheville pour me juger comme vous le faites. Parce que des gens aussi bas ne méritent que d'être encore plus bas. Voilà. Amen. Amen. Ah ouais. Quand on a décidé qu'on allait faire une nuit anonyme, on a dû un moment décider des heures qu'on aurait accordées, des personnes qui seraient là. La première personne dont on était sûr qu'elle serait là, c'était Steph. Et c'est la première chose qui nous est venue, c'est qu'il lui fallait une heure. Et à aucun moment, on a regretté d'avoir donné cette heure comme ça, parce que fallait en caser des quiz. Mais on dit, celle-là, on n'y touche pas. On a regretté ça à aucun moment. Et là, je pense que cette heure, elle était indispensable. Et pourquoi seulement une heure? Parce qu'à un moment, il faut aussi rigoler après. Oui, avoir... oui, non, mais bon, sinon, on va tous rigoler. Ouais. Et du coup, voilà. Donc ça en fait, c'était leur Steph déprime. Mais non, mais. C'était leur Steph, mais. Ça fait du bien de pouvoir en parler aussi. Je sais pas comment ils sont de l'autre côté, mais bah, ils sont tous un peu fatigués. Mais s'ils nous écoutent, j'espère qu'ils sont aussi bouleversés que nous. Ou alors ils disent, mais c'est vraiment un moment de radio comme on en voyait dans les années 80. Eh, dis donc, on ramenait de Coné Garcia. Et qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, mais, non, moi j'aimerais dire un truc. Vas-y, écoute, coupe-moi la parole, fais du woman planning. Comment ça s'appelle? Du woman planning, mais non, ça commence. C'est long ce que t'as à dire ou bien? Non, c'est une blague nulle encore. Non, non, pas du tout, c'était pas une blague en plus. Je me suis et arrête de crier. C'est parce que, alors moi, de mon côté, parce que je suis un peu community manager du truc et je m'occupe aussi du standard, comme j'ai Jordan au bout du texto, au bout des doigts, comme on dit. Au bout du rouleau. Il dit... Théo et moi, nous nous plaignons de l'absence de parole de Judith. Mais Judith, il me semble que tu avais fait une mini coloration. Est-ce vrai ou pas? Alors, c'est pas vrai. C'est une coloration, mais en gros, c'est un aîné. Mais là, c'est parce que j'en ai refait un cet été. Mais voilà, pour les détails, il y a eu un ajout de coloration et du coup, ça m'a foncé les cheveux. Du coup, on le voit moins qu'avant. Mais bientôt, ce sera plus rouge. Yes. Et je continue dans cette voie et je me dis que c'est la bonne chose. Ça va toujours à tout le monde, le rouge. Ouais. C'est la couleur qui va à tout le monde. Je suis toute petite, petite anecdote. Au magasin où on allait faire les courses avec ma mère, à chaque fois qu'elle faisait les courses, moi j'allais au rayon coloration et je regardais les teintes de cheveux rouges. Et c'est ça que je ferai plus mais tard. Oui, c'est ça. Et je t'avais raconté, je voulais tout raconter. Kawan aussi. Kawan va dire moi aussi. Moi je touchais les cheveux là. Ah oui, moi aussi je faisais ça. Et je faisais des tresses. Kawan aussi, tu faisais des tresses. Moi aussi. Je pense que c'est un truc de mec ça. C'est les... Toi aussi. Et t'essayais de les coller après les deux mèches qui n'ont rien à voir. Ça c'est énorme. C'est comme les fauteuils dans les magasins de chaussures. C'est fait que pour les mecs. Je sais pas pourquoi. J'avoue. Est-ce qu'on peut répondre à la question pourquoi? Excuse-moi, je fais du mec. Attends, petite parenthèse. Non, mais je pense qu'il va relancer sur un truc. Oui. De rien. Ils disent de rien. Je suppose. Ça, c'est pour Victoria, de rien, Justin. Victor a dit que. Victor dit dans les commentaires qu'il n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On y croit. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer pourquoi les hommes, les trucs de chaussures, les sièges dans les jambes? Ouais, explique, je te refais la traduction. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les trucs des chaussures. En fait, dans les magasins, je sais pas si vous avez remarqué, il fait un stand-up. Fais gaffe, tu fais tomber une bouteille de Badois. Ah, mais lance pas des trucs quand tu réas, c'est pénible. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les magasins, L'invité mystère alors, des colosses copies. Dans les magasins de chaussures, c'est il y a tout un rayon sur des centaines de mètres pour les chaussures pour les filles et un tout petit truc pour les chaussures des garçons. Parce que soi-disant, les filles achèteraient plus, etc. Du coup, ils font des rabais, ils viennent nous arnaquer. Et du coup, il y a les mecs, ils ont un rayon de 2 mètres sur 2. Ils ont fait le tour en 2 minutes. Alors que les filles, elles ont 44 km carrés de trucs de chaussures. Du coup, quand tu vas avec ta copine là-bas, tu dis, je vais faire un stand-up, hein, vous pouvez me retrouver au Bataclan. Ah non, désolé, on m'a dit Kawan. Que cette blague... oui, du coup, ils ont 44 km carrés de chaussures à regarder. Du coup, heureusement qu'il y a des petits fauteuils à côté des rayons pour pouvoir s'asseoir. Voilà. Oui. C'était une... Je viens de te démontrer par quatre pourquoi c'était pas forcément une blague antifa. Donc on remercie les fauteuils à côté des rayons. Et je m'en sers aussi, moi, des fauteuils à côté tout des rayons. Moi aussi, parce que c'est fait aussi pour essayer tes chaussures. Bah ouais, voilà. Mais qui n'a jamais genre, fait une journée shopping, eu les pieds qui font tellement mal, qu'ils rentrent dans un magasin de chaussures random juste pour s'asseoir. Enfin, moi je rentre pour la clim en général. Parce que c'est en été, les sols, du coup, c'est un peu chiant. Notre invité mystère n'a jamais fait ça. D'accord. Bah voilà, d'accord. La vie des mystères n'aime pas les journées shopping, une très tout simplement. Du coup, elle n'a jamais tenté l'invasion de fauteuils en mode mais si je regarde les chaussures de loin, mais en fait, pas du tout, je repose juste mes fesses par terre. Et t'as trois vendeuses qui arrivent et qui font bonjour, vous voulez un coup de main? Ah ouais, ils t'agressent comme ça, ils font et là, tu réponds non, c'est bon, merci, je alors, regarde. Kawan a dit mais pour un magasin de chaussures, ce serait mieux d'avoir un coup de pied. Oh, oh. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir cette vanne. Mais moi, je réfléchissais à un truc. Mais Mathias, si tu penses que les mecs, genre, imagine toi, ouais. Demain, tu te lèves et tu te dis, je veux avoir une coloration bleue. Genre les pointes bleues. Ouais. Bleu fluo, tu vois. Genre, ouais, j'essaie de trouver un bleu fluo. Mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, est-ce que tu penses que tu te ferais juger ou pas? Alors, je vais dire un truc. Vas-y, dis-moi un truc. Pas plus tard que samedi dernier. Ou samedi encore. C'est un écran bleu. Non. C'est qu'en fait, on a vu un mec et une nana qui, tous les deux, avaient la même coloration de cheveux. Mais c'était violet, bleu, en passant par des gammes de couleurs. Tertiaire. l'essuyage de nez trop classe, mais putain. Histoire de faire une pause dans son dialogue. Mon nez me gratte. Et du coup, la première idée qui m'est venue, c'est oh, l'inté, elle a dû être difficile. Voilà. Voilà. Merci, Mathias. Je pense que chez un mec, moi, je le vois plus dans la rue comme un bizutage qu'un choix en lui-même. Donc, pour toi, c'est pas possible qu'un mec se colorie les cheveux. Enfin, je ne vois pas le côté. Moi, j'ai l'idée de me colorer les cheveux et pour moi, pour le moment, impossible parce que j'aime bien la couleur de mes cheveux actuellement. Enfin, s'ils passent par des gammes de couleurs. Est-ce qu'ils vont bien avec ton pantalon rouge? Pas du tout, ils sont pas teints en rouge. Non, mais est-ce que tes cheveux ils suivent? Ça dépend de la lumière. Ah, voilà. D'accord. Voilà, lui, ça dépend. Toi, t'es. Ouais. Mais du coup, j'ai une petite question si je puis me permettre. Mais vas-y donc. Tu ne m'aurais pas connu, tu m'aurais croisé dans la rue. Bah, je m'en fous. Lui, il t'aurait jugé direct. Ouais, je t'aurais jugé direct, ouais. Je t'aurais envoyé des fourches et tout. Et au bûcher. Au bûcher. Comment? Ah merci, Kawan aurait dit trop bien ses cheveux. Bah après, on peut ne pas aimer. Fin... Moi, je pense que j'aurais pas réagi plus que ça, parce que quand je croise des gens dans la rue qui ont des cheveux colorés, je réagis pas, en fait. En fait, je m'en fous. Bah moi, je trouve ça fort, tu vois, parce qu'avec toutes les anecdotes que vous racontez, moi, je sais que c'est difficile de porter ça. Pas parce que j'ai fait, mais je connaissais à peu près toutes vos histoires, mais je sais que, limite, c'est un truc fort et montrer aux gens, bah ouais, bah tu m'insultes, mais je m'en fous. Parce que moi, je revendique mes idées et mes couleurs. Et, et du coup, je pense que les personnes qui font ça, elles s'en battent tellement les couilles. Enfin, faut avoir un niveau de je m'en foutisme assez haut pour savoir porter ça. Il y a un niveau... Du regard des autres, il faut avoir un niveau... Oui, je comprends. Il y a un niveau de... Voilà, comme tu dis, de je m'en foutisme à avoir par rapport au regard des autres, à avoir dès le début pour le faire. Mais après, il y a une autre partie, c'est-à-dire l'assumer. Oui, il faut assumer. Ouais, Et personnellement, au moment où je l'ai fait, bon, j'avais la conviction de le faire, mais j'avais énormément de mal à assumer, comme j'ai dit. Et du coup, toute la conviction, elle est venue après. Tu vois ce que je veux dire, je veux dire. Ouais, mais enfin, vu que t'as eu ces vagues successives, pas de haine, mais tu vois, de critique et tout ça, bah ça t'a gonflé à bloc pour dire bah je m'en fous, si ça vous fait chier, bah tant mieux. Voilà, en fait, je m'en suis servi pour parce que j'ai pas masse de confiance en moi et du coup bah j'ai du mal quand j'ai une idée à la mettre assumer en valeur, jusqu'au bout, à assumer cette idée, que ce soit une idée de plan pour un cours ou quoi, n'importe quoi, une idée spoiler. Quelconque. Après le journalisme, on a la réalisatrice. Voilà. Et du coup, tous les talents et comme Nagui. Du coup, je me suis dit, bon, ben, si je suis capable d'assumer le regard des gens par rapport à mon apparence, je pourrais peut-être mieux appréhender le regard des gens vis-à-vis de mes idées, de mes propos. Et du coup, je trouve que depuis, j'assume mieux mes idées. J'assume mieux ce que je dis. J'ai t'as moins évolué. Du mal à parler. Ouais. Et je témoigne et je confirme. Ah, moi aussi. Je m'en fous de ce que disent les autres. Au contraire, c'est un avis comme un autre. C'est, oui. C'est négatif, positif, oui. C'est une critique. Ça peut mais tu l'emmagasines et si c'est négatif, ça te voilà. Fortifie dans ta conviction. Dire ouais. Bah, moi, je vous emmerde et j'ai des cheveux verts. Et, voilà. En gros, ouais, c'est Kaban ça. Ne tombe pas. Bah après non plus, je fais pas non plus des conneries en disant je m'en fous, j'ai les cheveux. Non, mais après, ça donne pas le droit de casser des tables et tout ça. Mais on me traite de punk, mais je ne le suis pas. Où sont tes chiens, Stéphanie? Tu les as laissés. Ah, regardez. Oh, big rap punk à chien, attention. Il est pas possible. Mais regardez-moi cette hippie, c'est incroyable. Elle fait la manche, mais elle a assez d'argent pour se teindre les cheveux en vert. C'est incroyable. Moi, j'aimerais bien revenir, si tu veux, sur le tatouage, parce qu'on en parlait, et puis après, Mathias a pris la parole. Il a fait du man planning, là. Bravo, Mathias. Non, mais tu parlais donc du regard des gens, de ta famille, des gens qui te disent « Ouais, c'est un truc de motard et tout », parce que du coup, tu penses à te faire un tatouage. Moi, je l'ai fait. J'ai un tatouage, et je l'ai fait l'année dernière, je l'ai fait pour mes 18 ans. Et on s'en souvient parce que je l'ai répété pendant un mois. J'ai un tatouage. Je l'ai mis à un endroit qui se voit pas forcément parce que j'avais pas forcément envie qu'il soit au milieu de mon front. Oui, bah bien évidemment. Mais j'ai mis à un endroit qui compte pour moi et c'est comme tu as dit, c'est un tatouage que j'ai réfléchi, que je voulais depuis des années, qu'on m'a offert pour mes 18 ans du coup et qui représente énormément de choses pour moi. Je l'ai choisi pas par hasard et il porte des symboles forts. Et j'étais vraiment très, très heureuse de le faire. Et en fait, bon, je l'ai dit à ma mère, hein, voilà, elle n'a pas apprécié, elle me l'a dit. Elle m'a dit, bon, bah, je ne suis pas toute d'accord, ça va mal vieillir, pareil, j'ai eu droit au même sermon, mais c'est ma mère, voilà. Et je n'ai même pas pu le dire à mon père, en fait, parce que je ne peux juste pas lui dire. Je ne peux pas... En fait, j'ai trop peur de me faire renier, si je dis. Et cet été, heureusement qu'il n'écoute pas, hein. Mais non, t'inquiète pas. Ça, c'est les émissions. Et le guest. Et il est là. Non, mais moi, on va être clair. Si ma fille se tatoue, je la déshérite. Tais-toi. Le gros froid. Oh, ça y est. Mathias, il vote vraiment RPR dimanche. Hein. Chirac. Oh, putain, l'imitation. C'est incroyable. Non, mais le mec, il a aucun respect. Crac, crac. Et du coup, bah, comme je disais, cet été, donc, je suis allée au Maroc. En plus d'avoir les cheveux... blond au bout et de me prendre des remarques sur les cheveux, bah, j'avais un tatouage. Sauf que bah, au Maroc, il fait chaud et en été, on va à la plage. Donc, malheureusement, enfin voilà, c'est triste à dire, mais j'ai passé tout l'été dans un maillot de bain, une pièce noire, pour pas qu'on voit mon tatouage, pour pas devoir montrer mon tatouage. Tu t'auto-censures, quoi. Ouais. C'est de l'auto-censure complètement, mais je pouvais pas. Il y avait toute ma famille, mais ma grand-mère aurait fait une syncope. Si elle avait vu mon tatouage. Non, mais vraiment, j'ai pu le montrer. Et Mathieu, c'est rigolo. La seule personne à qui j'ai pu le montrer, c'est une... Et il est mort. il est mort de rire. Il a fait une mais... de convulsion de rire. Il m'a fait trop peur. Je voyais qu'il n'était pas bien. À un moment, il a fait genre... C'est exactement ça. J'espère que vous avez vu l'image de Mathias qui fait une syncope. Comme la grand-mère de Lina. Il a essayé de faire l'imitation en même temps que l'histoire. Je vous explique pourquoi j'ai rigolé. Parce que j'imagine la situation. Luna sur la plage en maillot de bain avec toute sa famille et d'un seul coup sa grand-mère qui fait une syncope. Et là, c'est le drame national en deux secondes sur la plage. Et du coup, ça m'a juste fait rire. Voilà, c'est la situation. Je suis peut-être un gros connard, mais ça me fait beaucoup. Voilà. Je t'en veux pas, Mathieu. Et c'est aussi parce que je suis très fatigué que tu me fais rire, du coup. Il reste 10 heures. Il reste 10 heures. Bah, il va pas faire le gros feu. Mais du coup, voilà, j'aurais bien aimé mettre le bikini que j'avais acheté pour quelle l'occasion. Tristesse. Bah ouais, mais j'aurais bien aimé pouvoir bronzer du nombril, quoi. C'est vrai, c'est... Non, mais c'est triste. J'étais... Franchement... Ah, il va bronzer du nombril. C'est vrai, j'étais au Maroc, il faisait 35 putains de degrés. Il y avait du soleil, j'avais de l'huile de mon œil et j'avais... T'as censuré ton nombril, meuf. Mais j'ai censuré la moitié de mon corps, quoi. C'est... Et pour pas montrer de mon tatouage. Et c'est trop triste, quoi. T'aurais dû mettre un pansement. Et dire, ouais. Et dire que tu t'étais fait attaquer par un tigre. C'est ça, voilà. Ou pas, non, un requin. Mais c'est dur, c'était dur à cacher. Enfin, du coup, je pouvais même pas genre mettre un débardeur qui tombait un peu, parce que c'est sur la côte, du coup. Du coup, c'est... t'étais en pull tout l'été. J'étais en gilet tout l'été. Non, mais... Vraiment, et puis mais juste le fait de ne pas pouvoir partager ça avec les gens que j'aime, quoi. Juste de ne pas pouvoir le dire à mon père, lui dire bah, « Regarde, j'ai fait ça parce que j'aime telle chose, que ça représente ça pour moi. » Et c'est vraiment, c'est frustrant, c'est énervant. Ouais, parce que même. C'est quand même une fierté, enfin, c'est pas une fierté, ouais. Mais c'est t'inscris sur ta peau des trucs forts dans ta vie. Et ouais. Du coup, mais peut-être qu'il s'en fout. J'aime bien ton tatouage. Putain, Mathias, il a fait... Il s'est barré, quoi. Il s'est barré de l'émission. Non, coup. Mais peut-être qu'il s'en fout. Tu vois, peut-être que t'as l'impression que ton père il va le prendre hyper mal, mais peut-être qu'il s'en fout. Non. Non, non mais je sais pas. J'aimais l'idée, vous êtes pas obligé de m'agresser comme non, ça. Non, mais... tu le sens en général quand quelqu'un va mal l'accepter, tu le sens tout de ouais, suite. Ouais, tu le sens, mais. Tout de suite. Tu le sens, mais. Peut-être que c'est une mauvaise impression, tu vois. Non, t'inquiète pas. Parce que tu vois que des fois tu l'accentues aussi. Tu vois ma meilleure amie aussi, tu vois, tu vois Lorraine. Oui. Bah voilà. Bah donc elle a fait beaucoup plus de tatouages que moi, donc elle est déjà à un stade, genre déjà en ce moment elle a les cheveux orange fluo, elle change de couleur de cheveux tous les mois et je la trouve magnifique parce que elle a une facilité à changer de couleur de cheveux, elle fait ça bien en plus et tout lui va super bien, donc c'est génial. Et elle a actuellement 4 tatouages et quand mon père a vu ça, je veux dire, il la connaît depuis qu'elle est toute petite. Et quand mon père a vu ça, elle dit, oh, mais elle est tatouée, mais c'est horrible. Oh, toi, je veux jamais te voir avec un tatouage. À partir de ce moment-là, quand tu as déjà le tatouage sur toi, tu fais oui, papa, ouais, jamais de la vie. Bon, voilà. Après, il y a des gens, ils pensent que, vu qu'ils se font pas de tatouage et qu'ils n'en veulent pas, ils rejettent que ouais. Tous les gens qui en ont. Mmh. Et je pense que c'est être réducteur tout. Enfin, c'est réduire trop vite et il y a des gens, ils ont besoin d'exprimer les trucs qu'ils ont vécu dans leur vie d'une autre manière, que je sais pas, écrire ou faire des trucs. Et enfin, c'est un moyen d'expression comme un autre, je pense, le tatouage, je trouve que c'est sur la peau. Puis c'est un art, moi je trouve que c'est un art parce que, du coup, évidemment, on met tout le temps Master Ink et les émissions de tatouage, mais c'est vrai que c'est un art à part, c'est contemporain, c'est. C'est à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais c'est un art. Et bon, c'est un art, je te coupe deux secondes, mais c'est un mansplaining, tout le monde a remarqué. Mais c'est un art vite fait, parce que les mecs qui font des tatouages de dauphins, là. Non, on parle de vrais tatouages de motards. C'est un vrai tatouage de motards. C'est un peu comme les gens qui disent, moi je suis illustrateur, alors qu'ils illustrent que dalle. Il faut des zizi. Il y a des tatoueurs, c'est des arnaqueurs. Il y a des tatoueurs, c'est des artistes. Oui, je suis d'accord avec toi. Un tatoueur. N'importe quel peintre, n'importe quel écrivain. Merci. L'arnaqueur, c'est un film avec Romain Duris. Il y a des arnaqueurs, c'est des films avec Romain Duris. Merci beaucoup. Merci, Kaone. Mais donc, il y a des mecs qui savent à peine dessiner Mickey et il y en a d'autres, c'est des artistes. Mais c'est comme les écrivains, t'en as qui savent à peine écrire, qui vendent des millions de livres. Genre Marc Lévy, c'est ça que tu veux nous dire? Ouais, voilà. Je le cherchais, c'est comme Marc Lévy contre Balzac. Tu vois. Tu pourrais dire, oh, écrivain, c'est pas un vrai métier artistique. Eh oui, parce que comme l'a dit le générique d'Arnold et Willy, il faut tout pour faire un monde. Bah oui, et personne dans la vie ne choisit sa couleur. Voilà. Deux cheveux. Bien, bravo. Bien joué, invité mystère. Et sinon, je pense que c'est une de tes camarades, Lina. Sinon, personne n'a encore rêvé d'elle. Qui nous explique ses déboires, enfin ses déboires, son anecdote personnelle à propos de son tatouage. Tu peux lire, s'il te plaît. C'est Mouche B, son pseudo. Mais c'est qui? Je sais pas qui c'est. Apparemment, tu es allé au Ziget Festival avec. Mais c'est qui Ziget. Je sais pas. Ziget. Charlotte et Lina, copines du Ziget. Et en gros, elle explique que. Elle a dit, elle s'est fait tatouer en expliquant à ses parents la raison précise de son tatouage. Au début, ils n'approuvaient pas. Au final, ils l'ont suivi jusqu'au bout dans son projet d'acceptation. Mais je pense que c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, c'est peut-être que eux, ils sont réfractaires à avoir un tatouage. Mais ils condamnent pas les gens qui en font. Je pense que c'est tout le monde. Enfin, je pense que c'est quelque chose que. Enfin, au bout d'un moment, tes parents, bah, c'est tes parents, même s'ils aiment pas un truc, au bout d'un moment, ils commencent à le flipper. Je pense que c'est surtout le. Et puis après, elle te dit si jamais ça te rend heureux. C'est surtout l'aiguille, je pense, qui les fait flipper, moi. En tant que parent, moi, c'est plus vrai peur. Je peux comprendre, de la part de mes parents, je peux comprendre. Ouais, du regret, mais. Voilà, qui faut faire à partir d'un certain âge. C'est ça. Mais oui, mais à partir du moment où justement tu instaures le dialogue, comme quoi tu as vraiment réfléchi au motif, comme quoi ça te tient vraiment à cœur, à partir de là. Le regret, normalement, il devrait être minime. À partir de là, tes parents devraient te soutenir. Certes, toujours te tester, savoir si vraiment tu es prêt, parce que c'est dans leur qualité de parents aussi de faire en sorte que tu ne fasses pas de conneries. Mais à partir du moment où tu prouves que tu as vraiment envie de le faire, que ça te tient vraiment à cœur, que c'est vraiment important pour toi, les parents ne devraient pas être un obstacle à ton bonheur. C'est pas beau. Non plus le bonheur ultime d'avoir un tatouage, mais je... C'est beau. Bah franchement, ça fait du bien, tu vois. C'est un truc, le jour où tu feras ton tatouage, j'espère que tu le feras si vraiment t'en as envie, ça fait mal, c'est clair, ça fait mal. Et c'est comme si on te mettait un morceau de, genre un compas Je sais, tu à blanc, déjà fait. J'ai déjà donné l'exemple. Ah oui, un exemple positif d'ailleurs de ça, c'est que Jason est complètement contre le tatouage, contre toute modification corporelle de type permanent, piercing, tatouage, tout ça. Et du coup, ça fait des années, depuis 5 ans maintenant qu'on est ensemble, qu'on en parle. Et il m'a toujours dit non, moi je suis contre, je suis pas trop pour l'idée, c'est un peu, j'aime pas trop ça. Enfin bon, on en a parlé. Jusqu'à l'année dernière, où j'ai du coup avancé tout ce que je vous ai dit là, et qui m'a dit écoute, si ça te rend heureuse, si c'est ce qu'il te faut, je te soutiens. Je suis pas pour, mais si t'es fière de ton motif. Si vraiment tu te sens mieux avec un tatouage, eh ben je t'aime, alors fais-le. Et vrai, quand il m'a dit ça, c'était mignon. Du coup, Jason, si tu m'écoutes... Oh, Jason. J'ai l'impression d'être sur Skyrock, là. C'est... Non. Donc voilà, si quelqu'un vous aime... Et oui, des foules. Et qui vous comprend, il vous suivra. Et vous soutiendra. Ouais. Oui. Moi, je t'aurais lourdé, mais ça, c'est un détail. Blague, humour, lol. Bravo, Mathias, tu as mis, Déjà... un moment gênant. Enfin, bref. Mais moi, je pensais, vous parliez de modification corporelle, pardon. Mais par exemple, la chirurgie esthétique, est-ce que vous considérez ça comme une modification corporelle? Est-ce que vous le ferez? Non. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait autour de la table? Non. Putain, c'était nul. Mais par contre, ça dépend. Ça dépend quoi? Ça dépend à quel âge? Ouais, mais genre, imagine, t'as un accident et t'as tes paupières comme ça. Ouais, genre, elles sont pliées, mais t'as genre un millimètre d'œil. Ouais, mais là, c'est plus. C'est réparatrice, mais purement esthétique. Mais regarde, je vais te donner un exemple. Esthétique, peut-être. Un exemple, regarde. Genre, gonfler les seins ou des trucs comme ça. Bah non, mais ça peut être l'inverse. J'ai deux sortes d'amis. J'ai des amis qui ont des seins vraiment Allez, gros, on repart sur tu vois. Non, mais c'est vrai. mais c'est vrai. Et elles ont des sacrés boobs et tout. Et ça leur plie la colonne vertébrale. Donc, il y a un jour où elles vont devoir faire de la chirurgie. Bon, là aussi, ça en est en chirurgie réparatrice. Ouais, c'est réparatrice. J'ai des potes, des amis qui, à l'âge de jeune adulte, commencent à songer, elles ont vraiment une très très faible poitrine, et elles commencent à me dire des fois, madame, peut-être moi, un jour, je ferai une chirurgie esthétique pour avoir au moins un bonnet B, C, parce que voilà. Et ça, je leur dis, tu fais ce que tu veux avec ton corps, si tu te renseignes correctement, si tu comprends qu'est-ce que ça implique, les dangers, tout ça, si tu veux mettre la thune là-dedans, parce que ça coûte extrêmement cher, bah fais-le, parce que ça peut être un complexe, et un complexe qui, ça peut te détruire la vie, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être un complexe ou ça peut être juste gênant. Voilà. Non mais t'as raison. Entre complexe et gênant, c'est quoi la différence? Puis ouais, entre complexe et caprice, limite elle est faible parfois aussi. Ça peut être un complexe. Bah, le complexe est gênant dans un sens aussi, mais ça peut être gênant physiquement aussi. Exemple. Exemple, ce que disait Lina. Moi-même, ce que tu disais par rapport aux meufs qui ont une forte poitrine, moi-même j'y ai pensé à un jour, peut-être que. Enfin, je ferais dire parce que juste dans la vie de tous les jours, c'est gênant et même des fois, c'est peut-être un terme fort, mais des fois c'est handicapant aussi. Et juste, tu te sens pas forcément bien à ces moments-là et tu dis, c'est une option qui pourrait aider quoi. Donc après, voilà, chirurgie esthétique, ça dépend de beaucoup de choses, de ce dont on parle. Après, il parlait de chirurgie esthétique, est-ce qu'on peut parler de transhumanisme 3 secondes ou pas? Ouais, vas-y. Oui. Allez, vas-y. Est-ce que vous iriez jusqu'aux implants du style nanotechnologie Pardon. Renforcement. Ça fait extrêmement peur, genre de choses. Ouais. Ouais, mais nanotechnologie. Mais c'est un truc qu'il faut en parler puisque c'est aujourd'hui que ça se fait. Hein. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est des recherches qui ont été développées et qui sont prêtes à être mises en place. Si je peux répondre à ça, à l'heure actuelle, à cet instant T, je ne ressens pas le besoin d'avoir. Qu'est-ce que tu appelles sachant qu'un pacemaker, c'est déjà du transhumanisme. Un pacemaker. Il faut plus se voir dans le sens, à mon avis, de obligation, tu vois. Genre un peu comme un futur, une dystopie, tu vois. Genre on t'implante une puce dans la tête pour savoir à tout moment où tu es, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es. Si je pouvais ne pas l'avoir, ça m'arrange. Ah ça serait mieux. Ou un GPS dans le bras. Ou alors, pour reparler d'une dystopie, moi qui me fait très peur personnellement, je sais pas si t'as déjà vu ça, les PDG de Google qui sont en train de travailler sur l'implantation de nos âmes dans des ordinateurs. Oui, à notre c'est effrayant. Et ils travaillent aussi sur l'immortalité. C'est ça. Et non, mais à un moment donné, il faut arrêter d'aller au-delà de ce que peut faire l'humain. Et là, ils sont en train de... Ça fout des frissons. Ça va devenir vite incontrôlable. On ne sait pas les limites de ce que va donner la technologie plus tard. Et si on se met à inventer quelque chose qu'on va regretter, on ne pourra jamais revenir en arrière. Surtout qu'ils sont en train de chercher déjà... vous savez, Google a des barges. Je sais pas si vous avez déjà fait quoi. En fait, du Google, ils ont des barges, des bateaux, quoi, avec des immeubles dessus, enfin des immeubles, un immeuble. Et du coup, ils vont dans les eaux internationales, là où ils ont le droit un peu de tout faire comme recherche. Ah, et du coup, c'est là où a été développé plusieurs trucs qu'on connaît bien maintenant, je vais pas dire YouTube parce que ça existe depuis longtemps, mais j'ai pas d'idée. Genre la Google Car, par exemple, ou les Google Glass, ils ont été mis en place là-dessus. Et là, ils font un truc, c'est qu'ils essayent de mettre la durée de vie de l'humanité moyenne à 500 ans. Comment ils veulent faire ça? La régénération cellulaire, entre autres. Ah ouais, les gens qui se font congeler à leur mort en espérant que tu les réanimes 30 ans plus tard. Ouais. Donc il y a plein de trucs comme ça qui est mis en place. Et faut savoir que le transhumanisme, c'est quelque chose qui va vraiment... Mais vraiment, c'est une question de quelques jours. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tu peux faire un bébé quelques années, mais quelques jours sur Internet. Mais il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, tu peux avoir un enfant comme tu veux. C'est-à-dire, si tu veux qu'il ait les yeux bleus, il peut avoir les yeux bleus. Il faut juste remplir un formulaire, cocher des cases. Ouais. Et là, ils sont en train de dire, je sais pas, je vais juste faire un tour de table rapide. Est-ce que vous serez prête ou prêt que pour votre enfant, vous lui ferez, vous prendrez son génome pour qu'il ait un QI supérieur par rapport aux autres. Et c'est la question jamais de la vie. Plus difficile au monde parce que d'un côté tu veux le bonheur de ton enfant absolu, genre qu'il soit intelligent, qu'il ait aucun problème dans la vie, aucun handicap, et d'un autre côté tu veux laisser intelligent, la nature faire. Alors avoir un QI au-dessus de tout, c'est pas forcément le bonheur. Laissez-moi finir sur juste un truc, c'est que c'est-à-dire que ceux avec des QI supérieurs et très élevés vont être la nouvelle classe dirigeante. C'est ça. Donc ça veut dire soit tu condamnes ton enfant à être entre guillemets un esclave de cette classe dirigeante, ou soit tu lui permets qu'il ait l'espoir d'arriver jusque-là. Je vais juste vous interrompre deux secondes. Je vais aller dans la pièce d'à côté. C'est pas que le débat m'intéresse pas, mais ça me... Ah, ça fait flipper. Ça fait grave flipper. Donc, franchement, c'est super intéressant. Je vais continuer à vous écouter, mais je vais plus participer. Mais c'est cool. Pseudo Rashkit. Voilà. Rashkit. Mais ouais, donc c'est hyper flippant ce genre tu de. Tu peux te faire coucou. Ça peut être hyper flippant ce genre de technologie. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, je pense que dans les 25 prochaines années, on va pouvoir en entendre parler, mais très rapidement. Entend déjà parler au on Japon, entend déjà parler. Au Japon, mais, ils travaillent sur le développement de l'intelligence complètement chez les bébés. Et ouais, tu peux aller commander ton bébé comme dans un fast-food. Et ça devient mais comme dans le meilleur des mondes de Adous. C'était mon sujet en terminale d'anglais. C'est excellent roman. Et donc, c'est un peu flippant sur ce coup, mais ça te pose de véritables questions. C'est est-ce que tu laisses la nature faire ou est-ce que tu laisses ton enfant être vraiment la risée de tous, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Il faut savoir que... Mais c'est pas parce que tu lui... Non, c'est mais pas parce que tu lui donnes pas une certaine intelligence ou je ne sais quoi qui ça va être la risée oui, de tous. Oui, mais tu vas tu être dans un monde élitiste. Niveau, tu vois. Ça va être l'enfant différent. Un peu comme dans Bienvenue à Gattaca. Voilà. Et y a juste ou le meilleur des mondes. Ouais, par exemple. Plein de dystopies. Et t'as plein de trucs comme ça. Et il y a. J'ai perdu le fil de ma pensée, du coup, je suis dans la merde. Ah, c'est rare. il le fait jamais, ça. Il parle pas assez longtemps pour ça. Non, et du coup, c'est assez flippant ce côté-là. Et caisse dirigeante, machin, fil de pensée, je sais plus. Meublé à ma place. Vas-y, parle. Stéphanie. Attends, Kawan, il voulait dire un truc. Non. Bah, vas-y, conclue du coup. Bah, ça me rend un peu mal à l'aise aussi, du coup. On va conclure le Steph Time. Hey. On va laisser place au. On peut finir sur le jingle. À la spéciale Star Wars. Oui. Mais tu n'es pas encore un Jedi. Stéphanie Time. C'était le meilleur des temps. Ah oh, putain. Ah c'était vous m'avez pas entendu parler, bah tant pis. Il a dit un super compliment. Et cette heure-là, elle nous a fait beaucoup rire, même pour certains aux larmes. Et on a aussi un peu pleuré, on a débattu, on a discuté, on a appris plein de choses, on a découvert de nouveaux combats. Et tout le monde a été un peu ému, j'ai reçu des messages de gens qui nous écoutaient et qui étaient tout tremblants par chez eux et compatissaient avec toutes les histoires qu'on a pu entendre. C'est vraiment un très beau moment qu'on vient de vivre et on va laisser mûrir ça à l'intérieur de nous et on va se détendre en parlant d'autres choses, mais nos pensées restent toujours fixées sur les combats qu'on vient de se lancer. Merci Kawan. Merci. Conclusion. Ouais. Nous laissons la parole Merci, à